Ses matinées étaient prises par un cours d'arboriculture, ses soirées par le cercle agricole et tous ses après-midi par des études dans les fabriques d'instruments aratoires. Habitant à Saint-Onge les trois quarts de l'année, il profitait de ses voyages dans la capitale pour s'instruire. Et son chapeau à large bord, posé sur une console, était plein de brochures. Mais Sizi, s'apercevant que M. de Forchambault refusait du vin, « Buvez donc, saprelotte, vous n'êtes pas crâne pour votre dernier repas de garçon. » À ce mot, tous s'inclinèrent. On le congratulait. « Et la jeune personne, dit le précepteur, est charmante, j'en suis sûr. « Parbleu, s'écria Sizi. N'importe, il a tort. C'est si bête, le mariage. « Tu parles légèrement, mon ami, répliqua M. Désonnet, tandis qu'une larme roulait dans ses yeux au souvenir de sa défunte. Et Forchambault répéta plusieurs fois de suite en ricanant. « Vous y viendrez vous-même, vous y viendrez. » Sizi protesta. Il aimait mieux se divertir, entre guillemets, être régence. Il voulait apprendre la savate pour visiter les tapis francs de la cité, comme le prince Rodolphe des Mystères de Paris. Tira de sa poche un brûle-gueule, rudoyait les domestiques, buvait extrêmement. Et afin de donner de lui bonne opinion, dénigrait tous les plats. Il renvoyait même les truffes. Et le précepteur, qui s'en délectait, dit par bassesse, « Cela ne vaut pas les œufs à la neige de madame votre grand-mère. » Puis il se remit à causer avec son voisin l'agronome, lequel trouvait au séjour de la campagne beaucoup d'avantages, ne serait-ce que de pouvoir élever ses filles dans des goûts simples. Le précepteur applaudissait à ses idées et le flagornait, lui supposant de l'influence sur son élève, dont il désirait secrètement être l'homme d'affaires.